Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne, lu par Christian Martin. Note explicative. Note 1. Bref discours des choses plus remarquables que Samuel Champlain de Brouage a reconnues aux Indes occidentales au voyage qu'il en a fait en Icelle en l'année 5e 24-19 et en l'année 1601, comme en suit. Tel est le titre du manuscrit original dont M. de Puybusque a donné la description comme suit. Son format est in quarto. Il a 115 pages et 62 dessins faisant corps avec le texte, coloriés et encadrés de lignes bleues et jaunes. La couverture est en parchemin très fatigué. Le plan inférieur est déchiré, les derniers feuillets sont recornis, et la main d'un enfant y a tracé de gros caractères sans suite. L'écriture nette et bien rangée ressemble à celle des lettres conservées aux archives des affaires étrangères. Cependant, ces dernières sont moins soignées, et il est aisé de remarquer la différence naturellement produite par l'âge après un intervalle de 35 ans. Le manuscrit est en effet de 1601 à 1603. M. de Puybusque découvrit ce précieux manuscrit à Dieppe chez M. Ferret, antiquaire, poète et bibliothécaire de la ville normande. Il en avait fait l'acquisition, par hasard, d'une personne qu'il supposait descendant collatéral du commandeur Aymar de Chastes. On le retrouve encore dans la bibliothèque de la ville de Dieppe. La société Acluit l'a fait traduire en 1859 par M. Alice Wilmer et l'a publié à Londres sous la direction de M. Nordenshaw, éditeur. Les 62 planches que Champlain a intercalées à travers son récit nous donnent une idée très haute de la somme de travail auquel il a dû se livrer au cours de son expédition. 6 sont consacrées à la description de la Galice, y compris le Cap Finistère, Bayonne et ses îles, Sanlúcar de Barrameda, Séville, la rivière Séville et les îles Canaries. 35 sont des dessins d'animaux, de fruits et d'arbres des îles occidentales. Saint-Domingue y est fidèlement représenté. On y voit aussi la Guadeloupe, les îles Vierges, la Marguerite, Porto Rico, le port de Manzanille, le port Mosquitès, l'île de la Tortue, Veracruz, Saint-Jean-de-Luz, Mexico. M. l'abbé C.H. Laberdière a fait imprimer en 1870 une copie textuelle du manuscrit de Champlain avec les dessins, dont plusieurs sont coloriés, en tête des œuvres complètes du fondateur de Québec, publiées sous le patronat de l'Université Laval. Note explicative, note 2. Des sauvages ou Voyage de Samuel Champlain de Brouage, fait en la France nouvelle, l'an 1603, contenant les mœurs, façons de vivre, mariage, guerre et habitation des sauvages de Canada. De la découverte de plus de 450 lieux dans le pays des sauvages. Quelques peuples y habitent. Des animaux qui s'y trouvent, des rivières, lacs, îles et terres, et quels arbres et fruits elles produisent. De la côte d'Arcadie, des terres que l'on y a découvertes, et plusieurs mines qui y sont selon le rapport des sauvages. À Paris, chez Claude de Montreuil, tenant sa boutique en la cour du palais au nom de Jésus, avec privilège du roi. Ce livre est extrêmement rare. M. l'abbé Laverdière avait obtenu de M. l'abbé Véraud la copie qui servit à l'impression. L'original de la première édition est conservé à la Bibliothèque impériale à Paris. C'est le seul exemplaire connu. Le récit de Champlain est précédé d'une dédicace à Charles de Montmorency, amiral de France, d'une épître en vers du Sieur de la Franchise et d'un extrait du Privilège du Roi donné à Paris le 15 novembre 1603, signé par Brigard, permettant à Champlain de faire imprimer un livre par lui composé. Une seconde édition des Sauvages ne diffère pas beaucoup de la précédente. L'avant-dernière ligne du titre porte la date de 1604. Les Pilgrims de Purchase contiennent une version anglaise de l'édition de 1604. On en trouve un synopsis dans le Mercure français, 1609, dans la préface connue sous le titre de « Chronologie septenaire de l'histoire de la paix entre les rois de France et d'Espagne, 1598-1604. Cette histoire est empruntée par Victor Palma-Cayet au Champlain de 1604 et porte pour titre « Navigation des Français en la Nouvelle-France, dite Canada ». Notes explicatives, note 3. Guillaume Duglas. Les plus anciens de tous ces braves et intrépides loups de mer qui croisèrent en tous sens les eaux du Golfe et du fleuve Saint-Laurent vers la fin du 16e siècle et durant la première partie du suivant mériteraient une étude spéciale tant à cause de leur valeur comme marins qu'à raison des nombreux services qu'ils rendirent aux fondateurs spirituels et temporels de l'Acadie et du Canada. La liste n'en est pas absolument chargée. Détachons-en les principales figures, afin que la conduite des uns et le nom des autres ne soient pas complètement oubliés. En Acadie, ce furent Guillaume Duglas, dont il est question dans ce chapitre. Charles Fleury ou Fleury d'Abbeville, capitaine du vaisseau de la Saussaye, que le père Billard appelle « homme judicieux, hardi et paisible ». Nicolas Labbé de Dieppe, « honnête et sage personne ». Jehan Plastrier de Honfleur, fils de Madeleine Chauvin, sœur de Pierre de Chauvin, dont le nom est resté inféodé à l'histoire primitive de Tadoussac. Merveille, capitaine Malouin, qui fonda un établissement sur la rivière Saint-Jean avec Robert Gravé. David de Bruges, pilote du vaisseau qui transporta les Jésuites en Acadie en 1611. Jean Daune, capitaine du même vaisseau. En Canada, nous voyons à la tête de ces habiles navigateurs Pierre de Chauvin, le Chauvin cité par Champlain, sieur de la Pierre, à qui fut confiée la garde de l'habitation de Québec en l'absence de Champlain. Guillaume le Têtu et Guillaume Canané, sur le compte desquels il y a long à dire. Le capitaine de Nesle, qui ramena Champlain en 1633 après une absence forcée de 4 ans. Nicolas Lamotte le Vilain, devenu prisonnier des Anglais lors de la destruction de Saint-Sauveur en l'île des Monts-Déserts, emmené en Virginie puis conduit en Angleterre. Le chevalier de la Roche-Jacquelin, commandant du Saint-Jacques, catholique fervent et grand ami des Jésuites, qu'il alla visiter à leur couvent de Notre-Dame-des-Anges, le 12 juillet 1635. Henri Couillard et Nicolas Marion, qui contribuèrent à la fondation de Québec en y transportant dans leur navire les vivres et les autres choses nécessaires à un établissement nouveau. François Poré, sieur du Chêne, dont le nom revient si souvent sous la plume de Champlain. Le capitaine Morel, dont Sagard ne peut trop vanter des sentiments catholiques. Jehan Routier, pilote royal, tantôt guidant le vaisseau de Duglas, tantôt et le plus souvent le don de Dieu d'Henri Couillard. Combien d'autres noms pourrions-nous citer sans avoir besoin de consulter d'autres écrits que ceux de l'Escarbot, de Champlain et du frère Sagard? L'on constate la présence de Guillaume Duglas au Terre-Neuve dès l'année 1579. Le Jehan, dont il était maître, dut y retourner dans la suite, quoi qu'on ne retrouve aucune trace d'armement sous son nom. Le capitaine Duglas revint à la pêche de la morue en 1579 et en 1600 sur l'Espérance, et de 1609 à 1615, il fit tous les ans le voyage du Canada sur le Loyal, du port de 70 tonneaux. Mais auparavant, il avait visité l'Acadie, et Champlain rapporte qu'en 1604, il arriva un jour à l'île de Sainte-Croix, dans les circonstances qui suivent. Pendant que nous bâtissions nos logis, le sieur de Mont dépêcha le capitaine Fouque dans le vaisseau de Rossignol pour aller trouver Pontgravé à Canseau, afin d'avoir ce qu'il restait des commodités pour notre habitation. Quelque temps après qu'il fut parti, il arriva à une petite barque du port de 8 tonneaux, où Estois Duglas, de Honfleur, pilote du vaisseau de Pontgravé, qui amena avec lui les maîtres des navires basques qui avaient été pris par le dit pont en faisant la traite des pelleteries. Le sieur de Mont les reçut humainement et les renvoya par le dit Duglas au Pontgravé, avec commission de leur dire qu'il amena à La Rochelle les vaisseaux qu'il avait pris afin que justice en fût faite. En vertu de sa commission du 8 novembre 1603, Pierre Ducast, sieur de Mont, avait obtenu la permission de faire interdire la traite des pelleteries à tous les Français et Basques. À lui seul était réservé ce privilège. C'est ce qui explique la prise des 4 navires basques dans les environs de Canseau et de celui du capitaine Rossignol dans une petite baie située à 5 lieues du cap de la Hève. c'est la baie de Liverpool d'aujourd'hui, à quelques distances de Halifax. La plus grande entreprise du capitaine Dugland fut en l'année 1615. Il était bourgeois du navire Le Loyal, commandé par Guillaume Farid, conjointement avec François Gravé et Jehan Dubose, marchand de Honfleur, pour une expédition de pêche et de traite sur les côtes de l'Acadie. L'affrètement avait été confié à Gravé. Nous connaissons les principaux marins qui prirent part à ce voyage ainsi que le salaire alloué à chacun d'eux. Robert Rivelin, contremaître, 165 livres. Alexandre Lecour, pilote, 172 livres, 10 sols. Pierre Gaspard, pilote, 235 livres. Jehan Lambert, charpentier, 138 livres. Jehan Fugère, charpentier, 160 livres tournois. L'acte d'armement porte que le navire ira d'abord s'approvisionner de sel à brouage, puis se rendra en Acadie. Au retour, les marchandises, morue, castor, seront partagées entre Dupont, Dubosc et Dugland, au prorata de leur mise, c'est-à-dire au quart à Dubosc, un demi-quart à Dugland et la moitié demi-quart revenant à Dupont. Cet acte fut passé le 20 février 1615. Nous constatons aussi que certains emprunts à la grosse furent contractés par Gilbert de Cordier, chirurgien, Martin Osé et Jehan Sacré pour faire le voyage de Cadiz sur le navire de Gravé, capitaine pour le roi en la marine. Ce navire était le Saint-Étienne, de 350 tonneaux, qui avait à son bord Champlain et les quatre premiers récollets des missions du Canada. Le même vaisseau avait servi en 1605 à porter des vivres à l'établissement de l'île de Sainte-Croix. Note explicative, note 4, Robert Gravé, sieur Dupont. Fils unique de François Gravé, sieur Dupont, et de Christine Martin, Robert débuta dans la marine lors du premier voyage de son père en Acadie. Il pouvait avoir 25 ans lorsque, en 1611, nous le voyons se fixer sur les bords de la rivière Saint-Jean, où il ne fit qu'un séjour temporaire. L'on peut dire que sa vie se passa sur mer, car depuis 1604 jusqu'à sa mort, il ne s'écoula pas d'années qu'on ne le voit en course, soit dans le golfe Saint-Laurent, soit dans les Indes orientales. Sa vie peut donc se diviser en deux phases. La première, de 1604 à 1618, consacrée à des expéditions en Acadie. La seconde, de 1619 à 1621, résumée par un grand voyage aux Indes, au cours duquel il trouva la mort. Mais la période la plus importante, sans contredit, se passa à côté de Champlain, de Poutrincourt et des Pères jésuites, en Acadie, où il joua un rôle beaucoup plus effacé que celui de son père, mais pas assez cependant pour que l'histoire ait oublié et son nom et ses œuvres. Robert Gravé avait suivi son père à Port-Royal en 1605. L'année suivante, il accompagnait Champlain dans un voyage d'exploration le long des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Étant dans le port fortuné, il perdit plusieurs doigts d'une main en tirant un mousquet qui, creva en plusieurs morceaux, sans blesser ceux qui étaient à ses côtés. Louis Hébert pensa sa blessure, qui n'eut pas d'autre suite qu'une infirmité irrémédiable. Durant l'été de 1611, Poutrincourt avait fait arrêter Robert pour avoir enlevé une jeune indienne et passa condamnation sur sa conduite. Cependant, sur les instances du père Biard, Poutrincourt consentit à le gracier. Gravé s'en alla ensuite avec une dizaine de Bretons s'établir à l'entrée de la rivière Saint-Jean pour y trafiquer avec les sauvages, dont il connaissait parfaitement le langage. En 1613, Gravé ramena en France une partie des gens de l'établissement de Saint-Sauveur, d'où ils avaient été chassés par les Anglais, conduits par Argal. Le fils de Pontgravé retourna en Acadie en 1614, 1616, 1617 et 1618. Un chirurgien du nom de Gilbert Lecordier faisait partie de l'équipage qui ne devait pas être considérable puisque le vaisseau du jeune Gravé ne jaugeait que 50 tonneaux. On retrouve aussi les noms de Jehan Bétourné, charpentier, et de Martin Osé. Le 30 juin 1619, Robert Gravé prit la route des Indes orientales en qualité de capitaine du navire L'Espérance de 400 tonneaux, fort de 26 canons avec un équipage de 117 hommes. Une compagnie de marchands rouennais avait neutralisé 3 vaisseaux pour un voyage de 2 ans et demi. Les autres étaient le Montmorency, capitaine Augustin de Beaulieu, et l'Ermitage, capitaine Dubuc. Pierre Berthelot, qui devint plus tard le père Denis de la Nativité, Carme Deschaussé, remplissait les fonctions d'aide-pilote sur le vaisseau de Gravé. Ce voyage fut malheureux, comme nous allons voir. Un jour que son vaisseau était ancré dans la rade de Bantam, les Hollandais l'invitèrent à leur bord pour prendre part à un festin. Pendant que l'on s'amusait à boire à la santé des uns des autres, les Hollandais envoyèrent mettre le feu au navire français qui était chargé de marchandises de grande valeur. Gravé eut un tel chagrin de cette perfidie qui consommait la perte de ses plus chères espérances qu'il tomba aussitôt gravement malade et mourut quelques instants après que son navire fut réduit en cendres. Ce fut grand dommage de ce jeune homme, écrit le frère Sagard, car il donnait de grandes espérances de sa personne, tant de sa valeur que de son bel esprit, mais l'envie de l'hérétique hollandois, qui ne veut avoir de compagnon à la navigation s'il n'est plus fort que lui, lui ôta les biens et la vie. La catastrophe de l'Espérance eut lieu le 9 novembre 1621. Ainsi se termina la carrière aventureuse du fils de François Gravé, sieur Dupont. Notes explicatives. Note 5. Le capitaine de Tétu. Guillaume était son nom de baptême. Champlain, qui se contentait de donner le nom de famille ou quelquefois le nom de baptême seul, ne parle jamais que du capitaine Tétu tout court. « Homme fort discret », dit-il à manière d'éloge. D'après le récit de Champlain, l'on constate qu'il remplissait, en 1608, les fonctions de pilote sur un des vaisseaux qui avait fait la traversée de Honfleur à Québec. C'était d'abord le Lévrier, du port de 80 tonneaux, dont Nicolas Marion était capitaine et bourgeois pour un tiers. Un acte de tabellionnage d'Honfleur indique, d'une façon évidente, que François Gravé, sieur Dupont, avait pris passage sur ce vaisseau. Quant à Champlain, on ne peut que faire des conjectures. Cependant, il paraît assez probable que ce fut le don de Dieu, commandé par Henri Couillard, qui le transporta avec les choses nécessaires et propres à une habitation. Le don de Dieu était un beau vaisseau, jaugeant 120 tonneaux et dirigé par un marin expérimenté. Henri Couillard avait été l'un des capitaines de Chauvin et depuis lors, il n'avait pas cessé de fréquenter annuellement les bancs de Terre-Neuve, toujours sur le même vaisseau. Le premier voyage aux Terre-Neuve, entrepris par le capitaine Guillaume de Tétu, remonte, d'après ce que nous pouvons constater, à l'année 1601. Il commandait alors le Fleur de Lys. La grande probabilité est qu'il y retourna tous les ans, jusqu'à ce qu'il fût appelé à faire partie de l'expédition de 1608, qui devait servir à jeter les bases de la Fondation de Québec. La Providence semble avoir choisi cet homme exprès pour sauver la vie à Champlain. Guillaume de Tétu revint à Québec en 1610 sur la Nativité, en 1611, 1612, 1613 et 1614 sur la Trinité, et en 1616, sur la Nativité. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté les notes explicatives 1 à 5 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, l'histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.